Pendant que nous étions dans Krasnoé et autour, l'armée russe, forte dit-on de 90 000 hommes, nous entourait, car devant nous, à droite, à gauche et derrière, ce n'était que Russes qui croyaient, probablement, faire bon marché de nous. Mais l'empereur voulut leur faire sentir que la chose n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient, car si nous étions malheureux, mourant de faim et de froid, il nous restait encore quelque chose qui nous soutenait, l'honneur et le courage. Aussi l'empereur, fatigué de se voir suivre par cette nuée de barbares et de sauvages, résolut de s'en débarrasser. Le soir de notre arrivée, le général Roguet reçut l'ordre d'attaquer, pendant la nuit, avec une partie de la garde, les régiments de fusiliers chasseurs, grenadiers, voltigeurs et tirailleurs. À 11 heures du soir, l'on envoya quelques détachements, afin de faire une reconnaissance et de bien s'assurer de la position de l'ennemi, qui occupait deux villages devant lesquels il avait établi son camp, et dont on connut la direction par la position de leur feu. Il est probable qu'ils craignaient quelque chose, car lorsque nous fûmes l'attaquer, une partie était déjà en mesure de nous recevoir. Il pouvait être 1 heure du matin lorsque le général vint me dire avec son accent gascon « Sergent, vous allez laisser ici un caporal et 4 hommes pour garder mon logement et le peu d'effets qu'il me reste. Vous retournerez au camp rejoindre le régiment avec votre garde. Tout à l'heure, nous aurons de la besogne. » Je le dirai franchement, cet ordre ne me fit pas plaisir. Ce n'était certainement pas la crainte de me battre, mais c'était la peine que j'avais de perdre quelques moments de repos, dont j'avais tant besoin. Lorsque j'arrivai au camp, chacun était déjà disposé à préparer ses armes. Je les trouvais disposés à bien se battre. Plusieurs me dirent qu'ils espéraient trouver une fin à leur souffrance, car il leur était impossible de résister davantage. Il était 2 heures lorsque le mouvement commença. Nous nous mîmes en marche sur 3 colonnes. Les fusiliers grenadiers, dont je faisais partie, et les fusiliers chasseurs, formaient celle du centre. Les tirailleurs et voltigeurs, celle de droite et de gauche. Il faisait un froid comme les jours précédents. Nous marchions avec peine au milieu des terres, dans la neige, jusqu'aux genoux. Après une demi-heure de marche, nous nous trouvâmes au milieu des Russes, dont une partie avait pris les armes, car une grande ligne d'infanterie était sur notre droite. Et à moins de 80 pas, faisant sur nous un feu meurtrier, leur grosse cavalerie composée de cuirassiers habillés de blanc, portant cuirasse noire, était sur notre gauche, à une pareille distance, hurlant comme des loups pour s'exciter les uns les autres, mais n'osant nous aborder, et leur artillerie au centre tirant à mitraille. Cela n'arrêta pas notre marche, car malgré leur feu et le nombre d'hommes qui tombaient chez nous, nous les abordâmes au pas de charge, et nous entrâmes dans leur camp, où nous fîmes un carnage affreux à coups de baïonnette. Ceux qui étaient plus éloignés avaient eu le temps de prendre les armes et de venir au secours des premiers. Alors, un autre genre de combat commença, car ils mirent le feu à leur camp et aux deux villages. Nous pûmes nous battre à la lueur de l'incendie. Les colonnes de droite et de gauche nous avaient dépassés et étaient entrées dans le camp ennemi par les extrémités, tandis que notre colonne entrait par le centre. J'oubliais de dire qu'au moment où nous battions la charge et que la tête de notre colonne enfonçait les Russes, en mettant leur camp en déroute, nous rencontrâmes, étendus sur la neige, plusieurs centaines de Russes, qu'on en crut morts ou dangereusement blessés. Nous les dépassâmes, mais à peine fûmes-nous au-dessus qu'ils se relevèrent avec leurs armes. Ils firent feu de manière que nous fûmes obligés de faire demi-tour pour nous défendre. Malheureusement pour eux, un bataillon qui faisait l'arrière-garde et qu'ils n'avaient pu apercevoir arriva. Ils furent pris entre deux feux. En moins de 5 minutes, plus un n'existait. C'est une ruse de guerre dont les Russes se servent souvent, mais là, elle ne réussit pas. Le premier qui tomba chez nous, lorsque nous marchions en colonne, fut le malheureux Bullock, celui qui, à Smolensk, m'avait prédit sa mort. Il fut atteint d'une balle à la tête et tué sur le coup. Il était l'ami de tous ceux qui le connaissaient, et malgré l'indifférence que nous avions pour tout, et même pour nous, Bullock fut généralement regretté de ses camarades. Lorsque nous eûmes traversé le camp des Russes et abordé le village, après les avoir forcés à jeter une partie de leur artillerie dans un lac, un grand nombre de leurs fantassins s'étaient retirés dans les maisons, dont une partie était en flammes. C'était là où nous nous battîmes avec acharnement et corps à corps. Le carnage fut terrible. Nous étions divisés. Chacun se battait pour son compte. Je me trouvais près de notre colonel, le plus ancien colonel de France, qui avait fait les campagnes d'Égypte. Il était en ce moment conduit par un sapeur qui le soutenait en le tenant par le bras. Près de lui était aussi l'adjudant-major Roustan. nous nous trouvions à l'entrée d'une espèce de ferme où beaucoup de Russes s'étaient retirés et étaient bloqués par des hommes de notre régiment. Ils n'avaient pour toute retraite qu'une issue dans la grande cour, mais fermée par une barrière qu'ils étaient obligés d'escalader. Pendant ce combat isolé, je remarquai dans la cour un officier russe monté sur un cheval blanc, frappant à coups de plat de sabre sur ses soldats qui se pressaient de fuir en voulant sauter la barrière, et ne lui laissaient aucun moyen de se sauver. Il finit cependant par se rendre maître du passage, mais au moment où il allait sauter de l'autre côté, son cheval fut atteint d'une balle et tomba sous lui, de manière que le passage devint difficile. Alors les soldats russes furent forcés de se défendre. Dès ce moment, le combat devint plus acharné. À l'allure des flammes, ce n'était plus qu'une vraie boucherie. Russes, Français étaient les uns sur les autres, dans la neige, se tuant à bout portant. Je voulus courir sur l'officier russe qui s'était dégagé de dessous son cheval et qui cherchait, aidé de deux soldats, à se sauver en passant la barrière. Mais un soldat russe m'arrêta à deux pas du bout du canon de son fusil et fit feu. Probablement qu'il n'y eut que la morse qui brûla, car si le coup avait parti, c'en était fait de moi. Sentant que je n'étais pas blessé, je me retirai à quelques pas de mon adversaire, qui, pensant que j'étais dangereusement blessé, rechargeait tranquillement son arme. L'adjudant-major Roustan, qui se trouvait près du colonel et m'avait vu en danger, courut sur moi, et me prenant dans ses bras, me dit « Mon pauvre Bourgogne, n'êtes-vous pas blessé ?»« Non, lui répondis-je. « Alors, ne le manquez pas. » C'était bien ma pensée. En supposant que mon fusil manquât, chose qui arrivait souvent à cause de la neige, j'aurais couru dessus avec ma baïonnette. Je ne lui donnais pas le temps de finir de recharger, qu'une balle l'avait déjà traversé. Quoique blessé mortellement, il ne tomba pas sur le coup. Il recula en chancelant, et en me regardant d'un air menaçant, sans lâcher son arme, et alla tomber sur le cheval de l'officier qui se trouvait contre la barrière. L'adjudant-major, passant près de lui, lui porta un coup de sabre dans le côté qui accéléra sa chute. Au même instant, je revins près du colonel, que je trouvais abîmé de fatigue, n'ayant plus la force de commander. Il n'avait près de lui que son sapeur. L'adjudant-major arriva avec son sabre ensanglanté, en nous disant que pour traverser la mêlée et rejoindre le colonel, il avait été obligé de se faire jour à coups de sabre, mais qu'il arrivait avec un coup de baïonnette dans la cuisse droite. Dans ce moment, le sapeur qui soutenait le colonel fut atteint d'une balle dans la poitrine. Le colonel, s'en étant aperçu, lui dit « Sapeur, vous êtes blessé ?»« Oui, mon colonel, répond le sapeur. » Et prenant la main du colonel, il lui fit sentir sa blessure, en lui mettant son doigt dans le trou et en lui disant « Ici, mon colonel. Alors, retirez-vous. » Le sapeur lui répondit qu'il avait encore assez de force pour le soutenir ou mourir avec lui, ou seul à côté de lui s'il le fallait. Après tout, reprit l'adjudant-major, où irait-il ? Se jeter dans un parti ennemi ? Nous ne savons où nous sommes, et je vois bien que pour nous reconnaître, nous serons obligés d'attendre le jour en combattant. Effectivement, nous étions tout à fait désorientés, à cause de la lueur de l'incendie. Le régiment se battait sur plusieurs points et par pelotons. Il n'y avait pas 5 minutes que le sapeur était blotti, que les Russes qui étaient dans la ferme et que nous tenions étroitement bloqués, se voyant sur le point d'être brûlés, voulurent se rendre. Un sous-officier blessé vint au milieu d'une grêle de balles en faire la proposition. Alors l'adjudant-major m'envoya commander que l'on cessât le feu. « Cessez le feu, me répondit un soldat de notre régiment qui était blessé. Cessera qui voudra, mais puisque je suis blessé et que probablement je périrai, je ne cesserai de tirer que lorsque je n'aurai plus de cartouches. » En effet, blessé comme il l'était, d'un coup de balle qui lui avait cassé la cuisse et assis sur la neige qu'il rougissait de son sang, il ne cessa de tirer et même de demander des cartouches aux autres. L'adjudant-major, voyant que ses ordres n'étaient pas exécutés, vint lui-même, disait-il, de la part du colonel. Mais nos soldats, qui se battaient en désespéré, ne l'entendirent pas et continuèrent. Les Russes, voyant qu'il n'y avait plus pour eux aucun espoir de salut, et n'ayant plus probablement de munitions pour se défendre, essayèrent de sortir en masse du corps de bâtiment, où ils s'étaient retirés, et où ils commençaient à rôtir. Mais nos hommes les forcèrent d'y rentrer. Un instant après, n'y pouvant plus tenir, ils firent une nouvelle tentative. Mais à peine quelques hommes furent-ils dans la cour que le bâtiment s'écroula sur le reste, ou peut-être plus de 40 périrent dans les flammes. Ceux qui étaient sortis ne furent pas plus heureux. Après cette scène, nous ramassâmes nos blessés et nous nous réunîmes autour du colonel avec nos armes chargées, en attendant le jour. Pendant ce temps, ce n'était qu'un bruit autour de nous, deux coups de fusil de ceux qui combattaient encore sur d'autres points. À cela étaient mêlés les cris des blessés et les plaintes des mourants. Rien d'aussi triste qu'un combat de nuit, où souvent il arrive des méprises bien funestes. Nous attendîmes le jour dans cette position. Lorsqu'il parut, nous pûmes nous reconnaître et juger du résultat du combat. Tout l'espace que nous avions parcouru était jonché de morts et de blessés. Je reconnus celui qui avait voulu me tuer. Il n'était pas mort. La balle lui avait traversé le côté, indépendamment du coup de sabre que l'adjudant-major lui avait donné. Je le fis mettre dans une position meilleure que celle où il était, car le cheval blanc de l'officier russe, près duquel il avait été tombé, et qui se débattait, pouvait lui faire mal. L'intérieur des maisons du village où nous étions, je ne sais si c'est Kirkova ou Maliarva, ainsi que le camp des Russes et les environs, étaient couverts de cadavres, dont une partie était à demi brûlée. Notre chef de bataillon, M. Gillet, eut la cuisse cassée d'une balle, dont il mourut peu de jours après. Les tirailleurs et voltigeurs perdirent plus de monde que nous. Dans la matinée, je rencontrai le capitaine Desbonnaises, qui était du même endroit que moi, et qui commandait une compagnie des voltigeurs de la garde. Il venait s'informer s'il ne m'était rien arrivé. Il me conta qu'il avait perdu le tiers de sa compagnie, plus son sous-lieutenant, qui était un vélite, et son sergent-major, qui furent tués les premiers. Par suite de ce combat meurtrier, les Russes se retirèrent de leur position, sans cependant s'éloigner, et nous restâmes sur le champ de bataille pendant toute la journée et la nuit du 16 au 17, pendant lesquelles nous fûmes toujours en mouvement. À chaque instant, pour nous tenir en haleine, l'on nous faisait prendre les armes. Nous étions toujours sur le qui-vive, sans pouvoir nous reposer, ni même nous chauffer. À la suite d'une de ces prises d'armes, et au moment où tous les sous-officiers nous étions réunis, causant de nos misères et du combat de la nuit précédente, l'adjudant-major de lettres, l'homme le plus méchant et le plus cruel que j'ai jamais connu, faisant le mal pour le plaisir de le faire, vint se mêler à notre conversation, et chose étonnante, commença par s'apitoyer sur la fin tragique de Bullock, dont nous déplorions la perte. « Pauvre Bullock, disait-il, je regrette beaucoup de lui avoir fait de la peine. » Une voix, je n'ai jamais pu savoir qui, vint me dire à l'oreille assez haut pour être entendu de plusieurs, « Il va bientôt mourir. » Il semblait regretter le mal qu'il avait fait à tous ceux qui étaient sous ses ordres, et principalement à nous, les sous-officiers. Il n'y en avait pas un dans le régiment qui n'eût voulu le voir enlevé d'un coup de boulet, et il n'avait pas d'autre nom que Pierre le Cruel. Le 17 au matin, à peine s'il faisait jour, que nous prîmes les armes, et après nous être formés en colonne, serrés par division, nous nous mîmes en marche pour aller prendre position sur le bord de la route, du côté opposé au champ de bataille que nous venions de quitter. En arrivant, nous aperçûmes une partie de l'armée russe devant nous, sur une éminence et adossée à un bois. Aussitôt, nous nous déployâmes en ligne pour leur faire face. Nous avions notre gauche appuyée contre un ravin qui traversait la route et à qui nous tournions le dos. Ce chemin, qui était creux et dominé par les côtés, pouvait abriter et garantir du feu de l'ennemi ceux qui y étaient. Notre droite était formée par les fusiliers chasseurs, ayant la tête de leur régiment à une portée de fusil de la ville. Devant nous, à 250 pas, était un régiment de la jeune garde, premier voltigeur en colonne serrée par division, commandé par le colonel Luron. Plus loin en avant et sur notre droite étaient les vieux grenadiers et chasseurs, dans le même ordre, c'est-à-dire ainsi que le reste de la garde impériale, cavalerie et artillerie, qui n'avaient pas pris part au combat de la nuit du 15 au 16. Le tout était commandé par l'empereur en personne, qui était à pied. S'avançant d'un pas ferme, comme au jour d'une grande parade, il alla se placer au milieu du champ de bataille, en face des batteries de l'ennemi. Au moment où nous prenions position sur le bord de la route pour nous mettre en bataille et faire face à l'ennemi, je marchais avec deux de mes amis, Grangier et Le Boude, derrière l'adjudant-major de lettres, et au moment où les Russes commençaient à nous apercevoir, leur artillerie, qui n'était pas éloignée à une demi-portée, nous lâcha sa première bordée. Le premier qui tomba fut l'adjudant-major de lettres. Un boulet lui coupa les deux jambes, juste au-dessus des genoux, et de ses grandes bottes à l'écuyère. Il tomba sans jeter un cri, ni même pousser une plainte. Dans ce moment, il tenait son cheval par la bride, qu'il avait passé dans son bras droit, et marchait à pied. À peine fut-il tombé, que nous arrêtâmes, parce que de la manière dont il était tombé, il barrait le petit chemin sur lequel nous marchions. Il fallait, pour continuer à marcher, enjamber au-dessus, et comme je marchais après lui, je fus obligé de faire ce mouvement. En passant, je l'examinais. Il avait les yeux ouverts, ses dents claquaient convulsivement les unes contre les autres. Il me reconnut et m'appela par mon nom. Je m'approchai pour l'écouter. Alors il me dit d'une voix assez haute, ainsi qu'aux autres qui le regardaient. « Mes amis, je vous en prie, prenez mes pistolets dans les arçons de la selle de mon cheval et brûlez-moi la cervelle. » Mais personne n'osa lui rendre ce service, car dans une semblable position c'en était un. Sans lui répondre, nous passâmes en continuant notre chemin, et fort heureusement, car nous n'avions pas fait 6 pas qu'une seconde décharge, probablement de la même batterie, vint abattre 3 autres hommes, parmi ceux qui nous suivaient, et que l'on fit emporter de suite, ainsi que l'adjudant-major. Depuis la pointe du jour, l'on voyait l'armée russe qui, de 3 côtés devant nous, à droite et derrière, avec son artillerie, faisait mine de vouloir nous entourer. Dans ce moment, un instant après que l'adjudant-major venait d'être tué, l'empereur arriva. Nous venions de terminer notre mouvement, alors la bataille commença. Avec son artillerie, l'ennemi nous envoyait des bordées terribles, qui à chaque fois portaient la mort dans nos rangs. Nous n'avions de notre côté pour leur riposter que quelques pièces, qui à chaque coup faisaient aussi chez eux des brèches profondes. Mais une partie des nôtres fut bientôt démontée. Pendant ce temps, nos soldats recevaient la mort sans bouger. Nous fûmes dans cette triste position jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Pendant la bataille, les Russes avaient envoyé une partie de leur armée prendre position sur la route au-delà de Krasnoé et nous couper la retraite. Mais l'empereur les arrêta en y envoyant un bataillon de la vieille garde. Pendant que nous étions exposés au feu de l'ennemi et que nos forces diminuaient par la quantité d'hommes que l'on nous tuait, nous aperçûmes derrière nous et un peu sur notre gauche les débris du corps d'armée du maréchal Davoust, au milieu d'une nuée de Cosaques, qui n'osaient les aborder et que dissipaient tranquillement en marchant de notre côté. Je remarquai au milieu d'eux, lorsqu'ils étaient derrière nous et sur la route, la voiture du cantinier où étaient sa femme et ses enfants. Elle fut traversée par un boulet qui nous était destiné. Au même instant, nous entendîmes des cris de désespoir jetés par la femme et les enfants, mais nous ne pûmes savoir s'il y avait eu quelqu'un de tué ou de blessé. Au moment où les débris du maréchal Davoust passaient, les grenadiers hollandais de la garde venaient d'abandonner une position importante que les Russes avaient aussitôt couverte d'artillerie, qui fut dirigée contre nous. De ce moment, notre position ne fut plus tenable. Un régiment, je ne me rappelle plus lequel, fut envoyé contre, mais il fut obligé de se retirer. Un autre régiment, le premier des voltigeurs, qui était devant nous, fit un mouvement à son tour et arriva jusqu'au pied des batteries. Mais aussitôt une masse de cuirassiers, les mêmes avec qui nous avions eu affaire dans la nuit du 15 et qui n'avaient pas osé nous charger, vinrent pour les arrêter. Alors ils se retirèrent un peu sur la gauche des batteries et presque en face de notre régiment, et se forment en carré. À peine étaient-ils formés que la cavalerie voulut les enfoncer, mais ils furent reçus à bout portant par une décharge que firent les voltigeurs, et qui en fit tomber un grand nombre. Le reste fit un demi-tour et se retira. Une seconde charge eut lieu. Elle eut le même sort, de manière que les faces du carré où les cuirassiers s'étaient présentés étaient couvertes d'hommes et de chevaux. Mais ils réussirent une troisième fois avec 2 pièces de canon chargées à mitraille qui écrasèrent le régiment. Alors ils entrèrent dans le carré et achevèrent le reste à coups de sabre. Ces malheureux, presque tous jeunes soldats, ayant en partie les pieds et les mains gelés, ne pouvant plus faire usage de leurs armes pour se défendre, furent presque tous massacrés. Cette scène se passait devant nous, sans pouvoir leur porter secours. 11 hommes rentrèrent. Le reste fut tué, blessé ou prisonnier, et conduit à coups de sabre dans un petit bois qui était en face de nous. Le colonel lui-même, couvert de blessures, ainsi que plusieurs officiers, furent prisonniers. J'oubliais de dire qu'au moment où nous nous mettions en bataille, le colonel avait commandé « Drapeau, guide généraux sur la ligne », que je me portais guide général de droite de notre régiment. Mais l'on oublia de nous faire rentrer, et comme j'avais pour principe de rester à mon poste, tel qu'il fut, je restais dans cette position, la crosse du fusil en l'air, pendant près d'une heure, et malgré les boulets, à qui je pouvais servir de point de mire, je ne bougeais pas. Pendant ce temps, et au moment où l'artillerie russe faisait le plus de ravages dans nos rangs, le colonel eut un pressant besoin, besoin naturel. La position et le lieu ne convenaient pas beaucoup pour une pareille besogne, mais comme la chose pressait, il prit son parti et se retirant à environ 60 pas du régiment, et le derrière tourné à l'ennemi, il acheva tranquillement son affaire. Si quelque chose le gênait, c'était le froid, mais pour les Russes, à qui il servait de point de mire, cela ne l'inquiétait pas. Quoiqu'il pouvait bien les voir, et c'est en se relevant de cette position qu'il commanda « Drapeau et guides généraux, à vos places !» Il pouvait être 2 heures et déjà nous avions perdu le tiers de notre monde. Mais les fusiliers chasseurs avaient été plus maltraités que nous, étant plus rapprochés de la ville. Ils étaient exposés à un feu plus meurtrier. Depuis une demi-heure, l'empereur s'était retiré avec les premiers régiments de la garde et en suivant la grande route. Il ne restait plus que nous sur le champ de bataille et quelques pelotons de différents corps faisant face à plus de 50 000 hommes ennemis. Dans ce moment, le maréchal Mortier ordonne la retraite et aussitôt nous commençons notre mouvement en nous retirant et au pas, comme à une parade et suivi de l'artillerie russe qui nous écrasait par sa mitraille. En nous retirant, nous entraînions avec nous ceux de nos camarades qui étaient le moins blessés. Le moment où nous quittâmes le camp de bataille fut terrible et triste, car lorsque nos pauvres blessés virent que nous les abandonnions au milieu d'un champ de mort et entourés d'ennemis, surtout ceux du premier voltigeur, dont une partie avait les jambes brisées par la mitraille, nous en vîmes plusieurs se traînant péniblement sur leurs genoux, rougissant la neige de leur sang. Ils levaient les mains au ciel en jetant des cris qui déchiraient le cœur, pour implorer notre secours. Mais que pouvons-nous faire? Le même sort nous attendait à chaque instant, car en nous retirant nous étions obligés d'abandonner ceux qui tombaient dans nos rangs. En passant sur l'emplacement qu'occupaient les fusiliers chasseurs, qui étaient placés à notre droite et qui marchaient devant nous, et comme notre second bataillon, celui dont je faisais partie, formait dans ce moment l'arrière-garde et l'extrême gauche de la retraite, je vis plusieurs de mes amis étendus morts sur la neige et horriblement mutilés par la mitraille. Parmi eux était un jeune sous-officier avec qui j'étais intimement lié. Il se nommait Capon, il était de Bapaume. Nous nous regardions comme pays. Après avoir passé l'emplacement des fusiliers chasseurs, et comme nous étions à l'entrée de la ville, nous vîmes à notre gauche, à 10 pas de la route et contre la première maison, des pièces de canon qui, pour nous protéger, faisaient feu sur les Russes qui s'avançaient. Elles étaient soutenues et suivies par environ 40 hommes, tant canonniers que voltigeurs. C'était le reste d'une brigade commandée par le général Longchamp. Il sortait de la garde impériale. Il était là avec tout ce qui lui restait pour les sauver ou mourir avec eux. Aussitôt qu'il aperçut notre colonel, il vint à lui les bras ouverts. Ils s'embrassèrent comme deux hommes qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps et qui peut-être se revoyaient pour la dernière fois. Le général, les yeux remplis de larmes, dit à notre colonel en lui montrant les 2 pièces de canon et le peu d'hommes qui lui restaient. « Tiens, regarde, voilà ce qui me reste. » Ils avaient fait ensemble les campagnes d'Égypte. Cette bataille fit dire à Kutuzov, général en chef de l'armée russe, que les Français, loin de se laisser abattre par la cruelle extrémité où ils se trouvaient réduits, n'en étaient que plus enragés à courir sur les pièces de canon qui les écrasaient. Le général anglais Wilson, présent à cette bataille, la nomme la bataille des héros. Ce n'était certainement pas parce qu'il y était, car ce mot n'est applicable qu'à nous, qui, avec 1 000 hommes, nous battions contre toute l'armée russe forte de 90 000 hommes. Le général Longchamp, avec le reste de ses hommes, dut abandonner ses pièces de canon, dont presque tous les chevaux étaient tués, et suivre notre mouvement de retraite, en profitant des accidents de terrain et des maisons pour se retirer en se défendant. À peine commencions-nous à entrer dans Krasnoé que les Russes, avec leurs pièces montées sur des traîneaux, vinrent se placer aux premières maisons, nous lâchèrent plusieurs coups de canon chargés à mitraille. 3 hommes de notre compagnie furent atteints. Un biscaïen, qui toucha mon fusil et qui en abîma le bois en me rasant l'épaule, atteignit à la tête un jeune tambour qui marchait devant moi, le tua sans qu'il fît le moindre mouvement. Krasnoé est partagé par un ravin qu'il faut traverser. Lorsque nous y fûmes arrivés, nous y vîmes dans le fond un troupeau de bœufs morts de faim et de froid. Ils étaient tellement durcis par la gelée que nos sapeurs ne purent en couper à coups de hache. Les têtes seules se voyaient, et ils avaient les yeux ouverts, comme s'ils eussent été encore en vie. Leur corps était couvert de neige. Ces bœufs appartenaient à l'armée et n'avaient pu nous joindre. Le grand froid et le manque de vivres les avaient fait périr. Toutes les maisons de cette misérable ville, ainsi qu'un grand couvent qui s'y trouve, étaient peuplées de blessés, qui, en s'apercevant que nous les abandonnions aux Russes, jetaient des cris déchirants. Nous étions obligés de les abandonner à la brutalité d'un ennemi sauvage et sans pitié, qui dépouillait ces malheureux blessés, sans avoir égard ni à leur position ni à leurs blessures. Les Russes nous suivaient encore, mais mollement. Quelques pièces tiraient encore sur la gauche de la route, mais ils ne pouvaient nous faire grand mal. Le chemin sur lequel nous marchions était encaissé. Les boulets passaient au-dessus et ne pouvaient nous atteindre, et la présence du peu de cavalerie qui nous restait, et qui marchait aussi sur notre gauche, les empêchait de nous aborder de plus près. Lorsque nous fûmes à un quart de lieue de l'autre côté de la ville, nous fûmes un peu plus tranquilles. Nous marchions tristes et silencieux en pensant à notre position et à nos malheureux camarades que nous avions été forcés d'abandonner. Il me semblait les voir encore nous suppliant de les secourir. En regardant derrière, nous en vîmes quelques-uns des moins blessés, presque nus, que les Russes avaient déjà dépouillés, et qu'ils avaient ensuite abandonnés. Nous fûmes assez heureux pour les sauver, au moins pour le moment. L'on s'empressa de leur donner ce que l'on put pour les couvrir. Le soir, l'empereur coucha à Liadoui, village bâti en bois. Notre régiment alla établir son bivouac un peu plus loin. En passant dans le village où était l'empereur, je m'arrêtai près d'une mauvaise baraque pour me chauffer à un feu qui s'y trouvait. J'eus le bonheur de rencontrer encore le sergent Guignard, mon pays, ainsi que sa cantinière hongroise, avec qui je mangeai un peu de soupe de gruau et un morceau de cheval qui me rendit un peu de force. J'en avais bien besoin, car j'étais faible, n'ayant pour ainsi dire rien mangé depuis 2 jours. Il me conta que pendant la bataille, leur régiment avait beaucoup souffert, et qu'ils étaient considérablement diminués, mais que ce n'était rien en comparaison de nous, car ils savaient combien nous avions perdu de monde dans le combat de la nuit du 15 au 16, et dans la fatale journée que nous venions de passer, que pendant tous ces jours-là, il avait beaucoup pensé à moi, et qu'il était content de me revoir avec tous les membres bons. Il me demanda des nouvelles du capitaine Desbonnaise, mais je ne pus lui en donner, ne l'ayant pas vu depuis la matinée du 16. Je le quittai pour rejoindre le régiment, déjà établi près de la route. Cette nuit fut encore bien pénible, car il tomba une neige fondue qui nous mouilla, avec cela un grand vent et pas beaucoup de feu. Mais tout cela n'est rien encore auprès de ce qu'on verra par la suite. Pendant cette mauvaise nuit, plusieurs soldats, des tirailleurs, vinrent se chauffer à notre feu. Je leur demandai des nouvelles de quelques-uns de mes amis, surtout de ceux de mes pays qui étaient au Vélite avec moi et qui étaient officiers dans ce régiment. C'était M. Alexandre le Grand, des 4 fils Aymon, de Valenciennes, l'autre M. Laporte, de Cassel, près de Lille. Ce dernier avait été tué d'un coup de mitraille. On avait fort heureusement trouvé une petite voiture avec un cheval que l'on avait enlevé dans le camp des Russes le jour du combat de nuit, dans laquelle on le conduisait. Il était environ minuit qu'une sentinelle de notre bivouac me fit prévenir qu'il apercevait un cavalier qui paraissait venir de notre côté. Je courus de suite avec 2 hommes armés afin de voir ce que ce pouvait être. Arrivé à une certaine distance, je distinguai parfaitement un cavalier, mais précédé d'un fantassin que le cavalier paraissait faire marcher de force. Lorsqu'ils furent près de nous, le cavalier se fit connaître. C'était un dragon de la garde qui, pour se procurer des vivres pour lui et son cheval, s'était introduit dans le camp des Russes pendant la nuit, et pour qu'on ne fît pas attention à lui, s'était coiffé du casque d'un cuirassier russe qu'il avait tué le même jour. Il avait, de cette manière, parcouru une partie du champ ennemi, avait enlevé une botte de paille, un peu de farine, et blessé d'un coup de sabre une sentinelle avancée et cubulté une autre qui la menait prisonnière. Ce brave dragon se nommait Melet. Il était de Condé. Il resta avec nous le reste de la nuit. Il me disait que ce n'était pas pour lui qu'il s'exposait, mais que c'était pour son cheval, pour le pauvre cadet, comme il l'appelait. Il voulait, disait-il, à quelque prix que ce soit, lui procurer de quoi le nourrir, car si je sauve mon cheval à son tour, il me sauvera. C'était la seconde fois depuis Smolensk qu'il s'introduisait dans le camp des Russes. La première fois, il avait enlevé un cheval tout harnaché. Il eut le bonheur de rentrer en France avec son cheval, avec lequel il avait déjà fait les campagnes de 1806-1807 en Prusse, en Pologne, en 1808 en Espagne, 1809 en Allemagne, 1810-1811 en Espagne et 1812 en Russie. Ensuite 1813 en Saxe et 1814 en France. Son pauvre cheval fut tué à Waterloo, après avoir assisté dans plus de 12 grandes batailles commandées par l'empereur et dans plus de 30 combats. Dans le cours de cette malheureuse campagne, je le rencontrai encore une fois, faisant un trou dans la glace avec une hache au milieu d'un lac, afin de procurer de l'eau à son cheval. Un jour, je l'aperçus du haut d'une grange qui était tout en feu, au risque d'être dévoré par les flammes, et cela toujours pour son cheval, afin d'avoir un peu de paille du toit pour le nourrir, car il n'y avait pas plus à manger pour les chevaux que pour nous. Les pauvres bêtes, indépendamment de ce qu'elles souffraient par la rigueur du froid, étaient obligées de ronger les arbres pour se nourrir, en attendant qu'à leur tour elles nous servent de nourriture. Après cela, Mélène n'était pas le seul qui s'exposa en s'introduisant dans le camp des Russes pour se procurer des vives. Beaucoup furent pris et périrent de cette manière, soit par les paysans en s'introduisant dans les villages à une lieue ou deux sur la droite ou sur la gauche de la route, ou par des partisans de l'armée russe. Car toutes les nations soumises à cet empire se levaient en masse et venaient rejoindre le gros de l'armée. Enfin, la misère était tellement grande qu'on voyait les soldats quitter leur régiment à la moindre trace d'un chemin, et cela dans l'espoir de trouver quelque mauvais village, si toutefois l'on peut appeler de ce nom la réunion de quelques mauvaises baraques bâties avec des troncs d'arbres, et dans lesquelles on ne trouvait rien, car je n'ai jamais pu savoir de quoi les paysans se nourrissaient, et ceux qui s'exposaient à faire de pareilles courses se revenaient quelquefois avec un morceau de pain noir, comme du charbon, rempli de morceaux de paille longs comme le doigt, et de grains d'orge, et puis tellement durs qu'il était impossible de mordre dedans, d'autant plus que l'on avait les lèvres crevassées et fendues par suite de la gelée. Pendant toute cette malheureuse campagne, je n'ai jamais vu que dans ces courses, il y en ait eu un qui ramenait avec lui soit une vache ou un mouton. Aussi je ne sais de quoi vivent ces sauvages, et il faut bien qu'ils aient peu de bétail pour que l'on ne puisse pas en trouver un peu. Mais c'est le pays du diable, car l'enfer est partout.